Le darkness fait trembler les salles. On a tellement des flots de malades que nos chis sont remboursés par la sécurité sociale. Pas dans les parages, ça fait 15 ans qu'on t'avertit. Mais sache qu'ici un vrai MC en faut de travestis. Ça tire comme dans le dôme. À chaque fin nos couplets, tous les rappeurs finissent broching des comme Vincent McDoom. Ne fais pas monter les genoux, une sale pédale de jaloux. Tu nous fais tellement rigoler qu'on dirait que t'as sucé un cloche. Je suis hardcore sans cam. Quand je m'isole, on chante pas, on rappelle tête contre le sol. Pour les non-croyants, mais même des vrais balles dans mon pinball. Teste pas petite folle, ou on prendra tes couilles pour des punching balls. Même le chitan va faire sa prière. J'ai qu'un mental de fer pour toutes les traîner au cœur en pierre. Enfin dis-toi, Dieu le diable n'exaucera pas tes vœux à six pieds sous terre. J'arrive à l'improviste comme un fantôme dans un cimetière. J'reviens avec la dalle encore plus écorchée qu'hier. Frérot, sache qu'on ne rassasie pas un taureau en nourrissant la cuillère. Débarque avec des mots sombres, pour toi c'est l'hécatombe. J'm'en même pas encore clashé, tes fleurs ont déjà fané sur ta tombe. Ouais, fais pas le mythomane, n'essaye pas de me stopper. Ça servira à rien qu'on ouvrit un extincteur à un pyromane. Moi une allumette et j'te brûle entièrement. De toute façon, quoi que je fasse, j'serai mal vu comme un fou rire dans un enterrement. C'est la mise à mort, tu finis à la mort. On te prie sans remords, on mise tout sur de l'orgue. C'est la mise à mort, tu finis à la mort. On te prie sans remords, on mise tout sur de l'orgue. C'est la mise à mort, tu finis à la mort. On te prie sans remords, on mise tout sur de l'orgue. C'est la mise à mort, tu finis à la mort. On te prie sans remords, on mise tout sur de l'orgue. J'écris la nuit ma guérison, ma vie, j'en tue la page de mon savoir. J'enchis, m'enfuis dans mon manoir. MC, mettons pas voir, tu te brises la mâchoire. À force de sucer, tu peux te rasseoir. J'ai usé de mon hachoir, pas de succès. Sur le fil du rasoir, j'ai sué 15 ans de ma vie dans le tiroir, issu d'un monde bizarre. Mon sang est une série noire, les moyens sont dérisoires. On veut tous crier victoire, y'a trop de choses qui foire. De cause au fond de l'urinoir, au luxe, j'peux plus y croire. Mon crew sur un bateau fantôme, on défigure et chantonne. Désert lugubre, on charbonne, dans la démesure, on façonne. Nos morceaux, faut mieux que tu te cramponnes. On s'en tamponne, on t'y pédale comme Boutchou Pantone. On t'encorne dans nos fourneaux. True Norman, Darkness. On trouve les crânes. On a toutes les cames, on t'engraisse. J'ai la attitude qu'il faut là. Bitude d'être frais là. J'dilue tous mes faux pas dans les fessées. J'allonge de colonner mes coronets. Couronnées d'une touffe molletonnée. Une gueule de polonais, tu coules même si t'as pied. J'me rends utile quand j'm'utilise futile. J'suis subtil dans mes phases. Tu piles, moi je t'écrase. C'est la mise à mort, tu finis à la mort.